Chapitre 7e. Un matin du mois de janvier, vers 5 heures, le vieux prêtre de Cali sortit de sa cellule, regarda le ciel qui blanchissait et s'étira les membres en bâillant. Ses yeux étaient rouges et clignotants. On voyait qu'il n'avait pas dormi, et la raison de cette insomnie, c'est que le grand jour était arrivé. Les pigeons sacrés, impatients de leur provende matinale, voltaient autour de lui, l'effleurant de leurs ailes. Il écarta le ressin d'un geste, repoussa le singe qui était venu fourrer doucement son museau dans la main du maître, et se dirigea vers sa chambre de bain où il fit longuement ses ablutions. Puis il alla réveiller le jeune garçon que rien au monde n'aurait empêché de dormir du soir au matin. « Lalou, lui dit-il en le poussant du pied, comment peux-tu dormir en un jour pareil ?» Lalou se leva prestement et jeta un regard étonné sur le visage assombri du patron. « Je suis prêt. Mais qu'avez-vous, mon père? N'est-ce pas aujourd'hui le jour du triomphe ?»« Du triomphe, oui. Ou qui sait, de la catastrophe, peut-être? Auriez-vous peur ?»« Je n'ai pas peur, interrompit le vieillard. Je sais que le Seigneur est puissant et que ton père, mon père, triomphera. »« Oui, oui, sans doute. Il savait mieux que personne ce qu'il avait à faire. Seulement, tu comprends, 3 mois sous la terre. Au moins que nous ayons fait scrupuleusement notre devoir. » Ton père avait recommandé qu'on se servît de l'eau de la source. Nous avait-il fait quelque autre recommandation? Nous n'avions pas autre chose à faire, répondit le jeune homme avec importance, que de prendre avec nous une amphore de l'eau sacrée et d'avoir une fiole d'huile de palmier pour... Amra se prit la tête entre les mains. C'est vrai, j'avais oublié l'huile de palmier. Seigneur, aie pitié de ton vieux serviteur. Lalou alla chercher dans le temple une large amphore de cuivre au col étranglé, la remplit d'une eau limpide et la jetant sur son épaule, se déclara prêt à partir. Le vieillard avait déjà la fiole d'huile entre les mains. On se mit en marche sans regarder derrière soi. À la porte du jardin, une douce surprise attendait les desservants de la pagode. Un chariot attelé de 2 bœufs et recouvert d'une tente de soie avait été envoyé par le Raja pour leur faire franchir les 3 kilomètres qui les séparaient du palais. 4 sergents à cheval devaient les escorter, et le chambellan était là aussi, pompeux derrière sa lourde masse d'argent ciselé. Plusieurs centaines de fidèles, les bras et le cou chargés de couronnes de fleurs, attendaient que le chariot s'ébranlât pour le suivre en chantant les strophes sacrées. C'étaient les prémices du triomphe. Amra en frémit de joie et de terreur, partagé entre le bonheur d'une ovation sans précédent et l'effroyable doute qui lui torturait le cœur. Il s'assit, digne et solennel, sur les coussins de velours, avec Lalou à sa gauche, et la procession se dirigea d'un pas mesuré vers la ville, dont il fallait traverser une partie pour arriver au palais. Amra fut très étonné de trouver les rues complètement désertes. À peine quelques vieillards, quelques enfants hissés là autour des puits. Il eut bientôt l'explication de ce phénomène insolite. Arrivé au haut de la ville, sur la grande place d'où part l'avenue de dattiers qui précède le parc, le chariot dut s'arrêter longtemps. Toute la population d'Audipour s'était massée dans les alentours du palais, l'avenue était bloquée. Un détachement de gardes à cheval arriva, refoulant la multitude, et les prêtres de Cali purent enfin pénétrer dans l'enceinte des jardins royaux. Le Raja était à son poste, entouré, comme 3 mois auparavant, de ses ministres, parmi lesquels on distinguait le prêtre de Krishna et le médecin anglais, reconnaissable de loin à son grand casque de feutre. « Lalou, dit tout bas le vieux prêtre, tu porteras la parole au nom de la bonne mère. Je me sens trop agité pour parler. » Le jeune homme fit un signe de tête et son port rassuré, l'expression virile de sa physionomie montrait qu'il était à la hauteur de la tâche. « Sire, dit-il d'une voix vibrante en s'inclinant devant le roi, l'heure de Shivaji a sonné. Plairait-il à votre majesté de faire ouvrir le tombeau de Siddhartha ? » Sur un signe du roi, 2 hommes armés d'une faucille d'argent moissonnèrent le champ d'orge et vinrent déposer leur gerbe au pied du trône. Gandhérap IV prit la parole et désignant de la main les épis dorés qui jonchaient le sol. « Quelle que soit, dit-il, l'issue de l'épreuve à laquelle le fils de Kali s'est soumis, notre volonté royale est que jamais homme ne mange de ce pain-là. Mais si le fakir Siddhartha sort vivant du sépulcre où sa dépouille dort depuis 3 lunes, je fais vœu de donner à la bonne mère une perle pour chacun de ses épis. Sire, répondit la loue de sa voix argentine qui sonnait comme une fanfare. « Le produit du champ de la mort appartient à celui qui l'a fait sortir du sein de la terre. Shivaji ordonne que le blé soit distribué à ses disciples pour être le gage assuré de riches moissons. Mais, ajouta-t-il en se baissant pour ramasser quelques épis, il est convenable que votre majesté ait les prémices de ce trésor. » Il présenta les épis au roi, qui les reçut en tremblant et les confia aussitôt à son chambellan. Puis l'œuvre des fossoyeurs commença et le coffre fut amené à la lumière du jour. Le cachet était intact, on dénoua le linceul et Siddhartha apparut au regard de tous. Il avait conservé la même position, les jambes repliées sous lui. Seulement sa tête s'était inclinée et reposait sur son épaule. Tout son corps était ridé et desséché et le docteur Simpson constata qu'il n'y avait dans cette sorte de momie ni pouls perceptible ni mouvement du cœur. Cependant Amra avait failli bouillir l'eau sacrée sur un réchaud. Il en versa plusieurs reprises sur le crâne nu du fakir, puis assisté de son neveu, il se mit à frictionner le corps avec une serviette. Il l'oignit d'huile, retira des narines les bouchons de coton, écarta les mâchoires serrées et délicatement, du doigt, alla chercher la langue, dont l'extrémité recourbée appuyait sur le larynx. Cette langue était sèche et dure, il la frotta d'huile. Ce fut ensuite le tour des paupières qu'il oignit et fit jouer à plusieurs reprises. Une demi-heure s'était écoulée depuis le commencement des opérations et aucun signe de retour à la vie ne s'était montré. Laxman ne dissimulait sa joie qu'avec difficulté. Amra recommença les ablutions d'eau chaude et les frictions. Enfin, les premiers symptômes de réveil se manifestèrent. Un frisson passa sur les membres raidis, les narines se gonflèrent, le pouls revenait. De nouveau, il fallut ouvrir la bouche du patient, lui lubrifier la langue et le palais. Un soupir sortit des profondeurs de la poitrine. Siddhartha ouvrit les yeux. Le soleil venait de se lever au loin, derrière les collines roses, et montait dans le ciel, chassant devant lui de légers nuages cotonneux qui s'évanouissaient dans l'azur. Un coup de vent passa sur la cime des dattiers, dont les longues palmes s'agitèrent pour célébrer le triomphe du fakir. Dans la foule entassée alentour de la pelouse, personne ne remuait. Chacun retenait son souffle, attendant de voir ce qui allait arriver. Siddhartha avait le regard incertain d'un dormeur qui s'éveille après un long somme. Il parut faire effort pour rassembler ses idées. Puis ses yeux se fixèrent sur le visage du Raja et un sourire se dessina au coin de sa bouche. « Sire, » dit-il, d'une voix qui n'était qu'un souffle, mais que tout le monde entendit, « croyez-vous en moi maintenant ?» Pour toute réponse, Gandharva IV se jeta aux pieds du fakir et les baisa à plusieurs reprises. Le charme était rompu. Le vieil Amra, qui avait supporté pendant cette heure critique une tension d'esprit extraordinaire, se mit à sangloter tout haut. Les ministres avaient quitté leur siège. Prosternés, la face contre terre, ils adoraient la grande divinité en la personne de son représentant ressuscité, et tout le peuple criait, pleurait, poussait des exclamations de joie. Le prêtre de Krishna s'était discrètement éloigné. Le soir du même jour, un banquet réunissait au palais la cour et les hauts dignitaires du royaume. Le commissaire britannique et son médecin y assistaient, mais la place d'honneur avait été réservée à Siddhartha. Une robe de soie enveloppait ses mangres amaigris, et il était de la tête aux pieds couvert de pierreries comme une image. Il avait l'air fatigué, mais content, et recevait avec une dignité naturelle les hommages dont il était l'objet. Vers la fin du repas, le roi se leva, et ouvrant une cassette, en tira un morceau de papier orné du sceau royal qu'il vint déposer aux pieds du fakir. Celui-ci s'en saisit d'une main fiévreuse et le dévora du regard. C'était un bon de 10 lakhs sur le trésor. Il le glissa tranquillement dans les plis de sa ceinture, en disant avec un sourire, « Croyez-moi, sire, la bonne mère vous le rendra. » Et ce fut tout. Avant de quitter la salle, le docteur Simpson trouva moyen d'avoir un entretien particulier avec le désormais tout-puissant fakir, après l'avoir complimenté en fort bons termes sur son triomphe. « Dites-moi, » ajouta-t-il d'un air fin, « ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas, que vous passez ainsi quelques semaines dans un état cataleptique ?» Siddhartha ne répondit pas tout de suite. Il regardait attentivement le docteur et paraissait réfléchir. Il est bien possible, dit-il enfin, que mon maître m'ait déjà fait mourir et ressusciter. Qui sait combien d'existences j'ai déjà traversées et combien j'en traverserai encore avant d'être jugé digne d'entrer dans le sein de Dieu ? Oh, reprit le docteur, je ne parle pas de la métempsycose, mais de ce sommeil léthargique dans lequel vous vous êtes volontairement plongé. J'avoue que, dans l'intérêt de la science... Cher docteur, interrompit Siddhartha de l'air le plus candide, avez-vous l'intention de devenir disciple de Shiva ? Non, pas précisément, mais alors je ne puis rien vous dire. Il y a des mystères qu'un adepte seul peut pénétrer. Simpson n'en put rien tirer de plus et s'en alla, en maugréant contre le pédantisme qui privait la science de renseignements curieux. La vieille pagode a été démolie et Amra ne désespère pas de vivre assez longtemps pour présider à l'inauguration de l'édifice grandiose qui la remplacera. Les travaux sont poussés avec activité sous la direction d'un architecte anglais. Les 10 lacs de roupies ne suffiront pas, mais les dons affluent de toutes les provinces du royaume et le bruit court que le résident britannique a souscrit pour une somme importante. Ainsi s'achève le tombeau de Siddhartha d'Auguste Glardon.